quitte à moi pas tard. Où ça? Ça y est, c'est le moyen, c'est pas ça moyen. La vie, moi, c'est à moi. Tout le monde gagne des problèmes, mais c'est moi quand même. Problème, moi, c'est à moi. Tout problème ni solution, c'est où gagne.